Le journal d'internet russe Bremia Peremion en date du 27 septembre a fait une rédaction spéciale avec une photo du général Kim Jong-il en visite historique en Fédération de Russie.